Gobeuse. Une gobeuse de capote. Eh ben, direct, Claude Bernard, le professeur Rosenbaum a du boulot, hein. Bonjour. Oh. Oh là là, non, c'était... Oh. Elle a mangé tous les petits. Tous ses enfants. Tous les petits, 3 millions à chaque pas fois. Les siens, c'est... Bon, nous avons un auditeur. Alors, je vous rappelle que cette émission, comme vous avez pu l'entendre, si vous venez de vous brancher, est une émission pour enculer, pour gentilles personnes aussi, pour... Enculeurs ? Les enculeurs, beaucoup. Alors, parce qu'il y a toujours le problème, moi, dans mon courrier... Les enculés se plaignent de ne pas trouver tellement d'enculeurs. Oui, il n'y a pas assez d'enculés. Il y aurait plus d'enculés que d'enculeurs. Ah non, moi, on m'a dit le contraire. J'ai appris ça depuis l'émission. Avant, je savais pas. Mais toi, à chaque fois que tu t'es enculé, tu trouves pas toujours. Je te jure. Moi, pas de problème. Alors là, au contraire, c'est la demande qui est supérieure à l'offre. Ah, ton carnet de balles. Ton carnet de trous de balles est plein jusqu'à 1992. Alors, carnet de balles. Bon, alors, je vous en supplie, mesdemoiselles, si vous voulez qu'on continue à faire une très bonne émission, il faut qu'il y ait des filles qui nous appellent dès le départ. Alors moi, si je n'ai pas d'appel de filles, là, dans les 10 minutes, je pars, je m'en vais, je vais à la foire du trône. Ok ? Alors... soyez gentils. À la foire du trône. Oui, j'irai à la foire du trône. Ah, je vois où. Ah bah tu débarquerais pas. Hein. La grosse Rita pour 10 francs montre qu'elle monte son vieux fion pour Aga. Bon allez. C'est pas pire que celui de Carole Gianni. On a un auditeur en ligne. La chanteuse disco qui a chanté. Allô. Allô. Bonjour. Salut, bonjour. Ça va? Ouais. C'est un peu grave. Attends, le micro. C'est trop grave le son. Le son est sourd. C'est de ma faute peut-être. Non, absolument pas. C'est la technique. C'est de la faute de future génération, qui est ancienne génération plutôt. Voilà. Là, c'est déjà un petit peu mieux. Ah bon, il faut du temps pour vous avoir. Hein. Pourquoi tu as insisté? Oui, plutôt non. Ça fait 2 ans que je vous écoute. C'est la première fois que je vous ai, quoi. Eh ben voilà. Bah oui, tu sais, il y a tellement d'appels. Ouais. Je vais vous dire, vous êtes là au dernier sondage Médiamétrie, 980 000. Ah bah c'est pas mal. On dépasse toutes les émissions pendant ces 2 heures parce qu'après ça descend à 4 ou 5 auditeurs après l'émission. C'est-à-dire que après nous, à minuit 30, il y a 7 auditeurs. Avant, il y en a 14. Et pendant l'émission, il y en a 980 000. Qui est l'animateur qui fait l'émission avant nous? Je voudrais savoir quand même. Non, mais c'était... C'est pas des copines, on s'en fout. Non. On s'en fout. Voilà. Le socialisme, on n'a rien à foutre. Oui. L'humanité, ça. La gentillesse, la camaraderie. Tout la... ça. Enfin, ah, j'ai jamais eu un prix de camaraderie. Allez, ah, ça, tu risques pas d'en avoir. Un prix de méchanceté, de mauvaise langue. Un Oscar. Quelle horreur. Je suis ballonné, moitié envie de chier. Alors, le prénom de notre camarade qui nous appelle. On peut parler un peu, non? Bah oui, quand même. Tu as le droit. Alors, ton prénom? Alors, je m'appelle Ilan. Ilan. Oh, c'est très joli, ça, Ilan. Ça vient d'où, ça? Y-A-L-A-N, c'est ça, non? Oui, I-L-A-N. I-L-A-N. On va le laisser parler parce qu'on a bien jacté, déjà. Oui, depuis une demi-heure, à peu près. Alors, vas-y, mon ange. Eh ben voilà, j'habite Sarcelles. Ouais, tu dois connaître, non? Sarcelles-Locher? Ouais, non, Sarcelles Ville-Nouvelle. Ville-Nouvelle, ouais. Ouais, comment on appelle? T'habites une cité, en fait. Une cité? Je suis dans un lycée de Pucelle, d'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau, ça s'appelle. C'est à côté de chez toi que le petit bébé est tombé dans le vide ordure et puis... Ouais, ça doit être ça, ouais. C'est à côté? C'est juste à côté, d'ailleurs, je crois que c'est mon petit frère, un peu. C'est à Sarcelles. Ouais, c'est à Sarcelles. Et puis, je voulais... Bah, d'ailleurs, j'ai reçu les badges la semaine dernière. Ça, c'est 2 semaines, d'ailleurs, que j'ai envoyé la lettre, mais on a reçu sûrement la semaine dernière les badges. Ouais. Et puis j'ai une petite histoire avec ces badges. Ah. Et puis je me promets dans Sarcelles justement. Et il y a quelqu'un qui a remarqué ces badges. Bon, je lui ai fait un petit clin d'œil rudimentaire, quoi. Ouais. Il a remarqué, quoi. Et puis il a commencé à me suivre. J'allais au club vidéo pour chercher une cassette. Et puis il m'a suivi. Il a pas arrêté. C'était un enculé d'ailleurs. Ah bon? Un bel enculé d'ailleurs, parce que après l'avoir suivi, il est venu, il m'a accosté, sans vergogne, il m'a parlé. Mais c'était un DEP? Hein? C'était un DEP? Oui, ça devait être un DEP d'ailleurs, moi aussi de toute façon. Ah d'accord. Mais ça tombait très bien. Parce que tu sais que ces badges, c'est pour tout le monde, filles, garçons, DEP, hétéro, bisexuel, oui. Je vais faire mon badge, parce que sur la lettre, il y a marqué Raclo, Circa Échéant. Voilà. Est-ce que tu as lu la lettre qu'on a envoyée? Je l'ai lu et avec grand plaisir, même. C'est délicieux à lire, non? C'est divin, même, je dirais. Hein? Si tu fais lire ça à quelqu'un, personne ne peut comprendre. C'est vrai, en plus. J'ai fait lire à mon copain qui écoutait pas, il a rien compris du tout. Oui, il peut pas. Non, mais tellement mardi. Il faut pas faire lire ça aux endives. Mieux vaut qu'il regarde tellement mardi, c'est mieux. Oui, mardi prochain, il faudra qu'il écoute Sarah Labarre aussi. Et puis donc, on a commencé à parler doucement, tranquillement, et puis finalement, on est allé chez lui. Ah. Et, mais il y a une chose que je voudrais préciser, c'est que moi, j'aime pas enculer. Hein. J'aime bien me faire enculer, mais j'aime pas. Ah, bah ça, chacun son truc. C'est bien meilleur, on m'a dit. Ah oui, ça, c'est. Et c'est moins fatigant. Alors là, c'est surtout ça. C'est beaucoup moins fatigant. Ah, beaucoup moins. Ah oui, beaucoup moins. Bah, c'est vrai. Ah oui. Et donc. Imagine, toi, t'es dans un camion. Toi, t'es le camion. Ouais. Et imagine le travail que t'as pour charger un camion. Ah ouais. Ah ouais. Ça... Par contre, le camion, lui, il fout rien. Voilà, il fout rien, il porte. Il a qu'à recevoir la marchandise. Il porte. Quelle jolie image de l'amour. Voilà. Voilà, mais le plus... Oh, le... Moi qui suis Juliette et Roméo, qui suis romantique, et moi qui aime... Va voir David Girard, c'est un grand poète. On m'a dit, un grand poète, et voilà. Moi qui relis tout Chateaubriand en ce moment, oui, voilà. On est quand même très éloignés. Hein. Oui, oh. Alors un camion, une femme, c'est un camion qui reçoit 2 tonnes de marchandises. Merci. Voilà, c'est quoi ce dire un camion de charbocytone. Bonjour, je suis le docteur Rue. Oui, alors je voulais savoir comment vous faites pour les faire onculer l'épineuse dans le camion. Alors là... Comment est-ce que c'est délicieux? Ah, c'est plus que délicieux. Mais c'est meilleur que le pudding. Oh là là, mais 10 fois plus. Oh, c'est divin, mais c'est extraordinaire. Ouais, ferme ta gueule, docteur. Ouais, non, mais c'est... Est-ce que... Non, parce que tu comprends, j'ai envie d'essayer. Non, mais est-ce que le docteur, c'est déjà fait enculer, quand même? Bah attends, on va lui poser la question. Non, attends, dis-moi, Ilan. Ouais. J'ai envie d'essayer de me faire enculer. Ouais. Bon. Il a un peu peur, en fait. Mais non, pas, j'ai pas mais peur. Ne me dis pas mais je voudrais enculer, que tu m'expliques, parce que je voudrais comprendre le bonheur qu'il peut y avoir à se ramasser une bonne longueur entre les miches. Ah, ben comme tu m'as dit, il y a un petit interrupteur à l'intérieur qui déclenche tout. C'est merveilleux. Tu le dis? Ah oui, alors là... Tu le jures? Alors, je vous le jure. Tu l'affirmes devant les 980 000 personnes, les 980 000... Sur tout ce que vous voulez, même. Parce qu'au sondage médiamétrie... Ah oui, alors là, sur les 980 000... Sur les 980 000, il y en a 979 000 qui sont des enculés. Mais c'est une radio de PD, alors? Non, mais ils se mettent... Non, c'est pas des PD, c'est des hétéros, mais ils sont sensibles du trou. Ah bah ouais, bah comme il y en a plein. Beaucoup, et les filles sont très sensibles du trou aussi. Si, si, ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Et elles font vraiment un joli métier. Ah, ça pour faire un joli métier. Non, on n'a pas que des enculés. En parlant de badge, là, c'est quoi ces hiéroglyphes que vous avez mis dessus? Mais t'as pas compris encore? Si, il y a deux filles que j'ai compris. Il y en a un où il y avait marqué gaufrage, et puis il y en a un troisième que j'ai pas compris vraiment. Alors, qu'est-ce que t'as vu? C'est lequel? Une sorte de triangle jaune avec une bite bleue. Et ben voilà, le jaune, c'est la fille. Et le bleu, c'est le garçon. Et le bleu... Je me disais quoi, je crois. Et le bleu rentre. En fait. Mais on peut pas comprendre, c'est un message. Eh ouais, voilà. Ah ouais. C'est crypté. Et la petite fille avec le doigt en dessous, c'est rentré des doigts, quoi. Voilà. Et ça, c'est crypté aussi. Ah ouais, ça, c'était pas crypté. C'était ça, c'est compréhensible, ça. Et est-ce que t'as d'autres petites affaires qui se sont passées grâce au bac? Et là, donc, tu t'es fait engueuler grassement par ce garçon qui regarde à Sarcelles. Hein? Ah, il y a beaucoup de monde qui regarde, hein. Ils connaissent beaucoup à Sarcelles, hein. Surtout les Feuges. Ah oui. Ah oui, alors les Feuges, c'est des gros enculés. Hein. Ah là. Alors ça, c'est des c'est quand même une race merveilleuse. Ah, les Feuges, c'est super. Je n'allais pas dire supérieure, mais... Mais alors, t'as bien reçu. Ah, mais énormément. Alors là, c'est... Et bien grassement... Ah oui, en plus, il avait 22 ans, imagine, par rapport... Et quelle est la position que tu aimerais avoir, que tu as quand tu te fais enculer? Ah, les cuisses hyper écartées. Ouais, mais c'est les jambes en l'air, à quatre pattes... À quatre pattes. À quatre pattes, et le mec derrière. Comme la Louvre de Rome. Ah ouais, à quatre pattes. C'est-à-dire... C'est-à-dire... En l'air, ça fait une meuf. Mm. C'est quoi Non, parce à que... quatre pattes, c'est super. Maintenant, tu et sais... Et lui, il te branlait un petit peu la nouille devant. Ah non, moi, ce que j'aime, c'est sucer, moi. Et ah, c'est bon, hein. Tu veux pas qu'on te touche toi la bite. C'est super, sucer. C'est très, très bon sucer. Tu sais, au lieu de dire, je me fais enculer ou... L'autre, c'est comme une gonzesse. Un coup, il m'encule, un coup, je l'encule. C'est un coup, je te vois, un coup, je te vois pas. Un coup je te vois c'est je t'encule, un coup je te vois pas c'est je me fais enculer. Mmh. Et là je voudrais bien essayer, donc ton camarade là. Ouais, il s'appelle Frédéric Quechera. Voilà, ouais. Ah, bah, c'est bien le blaze. Son papa va être content, sa maman aussi. Super, voilà. Son tonton, les tantes, voilà. Voilà, les grands-pères, les grands-mères. T'as pas d'autres blases à balancer encore? Ah, non, non, ça va. Non, peut-être à la fin, un petit message, je voudrais passer à des copains, pas plus. Ok. Et alors, donc tu es satisfait de la prestation pour les badges? Ah ouais, super. Bon. Alors, ça sert quoi? J'étais un peu quand même déçu par les hiéroglyphes, quoi, c'était un peu louche. Mais non, mais les hiéroglyphes, il faut les comprendre. Ah oui, mais je les comprends très bien, ça c'est sûr. Oui, non, parce que... Ils sont voyants. Ouais, mais ah, les couleurs jaune fluorescent et bleu électrique, c'est très voyant. Ah bah... C'est fait exprès. Mais non, c'est fait exprès pour qu'on les repère de loin, parce que ce jaune et ce bleu, tu les trouves sous aucun badge. Ouais. Donc, il faut pas que les gens s'approchent à 2 mètres de toi pour comprendre que c'est un badge d'une de fiel. Ah oui, ça c'est sûr. Il faut que tu puisses être repéré. Hein, faut que tu puisses être repéré, par exemple, de Paris 18e à Sarcelles, c'est bon, on te voit. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Mais ouais, mais de toute façon, quand on passe, tout le monde nous voit. Il y en a même qui demandent qu'est-ce que c'est que ça, hein. Et oui. Tu leur dis quoi? Ah ben moi je leur dis c'est une émission, ça parle de quoi? Je leur dis de sexe et ils se mettent tout de suite à dire c'est sur où, c'est à quelle heure, voilà. C'est quelle semaine, voilà. C'est... Ah bah ça. Ah mais vous allez avoir de plus en plus d'auditeurs, hein, avec moi. Mais on n'en veut pas plus, hein. Dépasser 1 million, après on coupera certains émetteurs, parce que... Ça devient énergie à la limite. Non, non, après c'est plus amusant, il y a trop de monde et les gens peuvent plus nous appeler, c'est sans arrêt occupé et tout, non, non, non, non. Ah ouais, non, ça c'est bizarre. Après des menaces de viol, tout ça, tous les gens veulent même nous faire. Même des mariages, c'est ça qui est... Non, non, non, ça, non, c'est pas possible. Non, les applaudissements, de tout ça... Très significatif, j'ai trouvé. Comment? La signature de Docteur est très significative, j'ai trouvé. Tu as vu, hein? Ah, c'est sympathique, quand même. Ça fait pas très longtemps qu'elle a eu des cours de... d'alphabétisation. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Ilan? Eh ben, me trouver une petite meuf sympa. Alors, une meuf, maintenant, hein. Ah ouais, là, je veux bien une petite meuf pour enculer, moi, par contre. Bon. Et... Je vais essayer sur une meuf parce que j'ai jamais essayé. Est-ce que t'as déjà essayé de te sucer, Ilan? Alors là, tu vois, j'ai essayé une fois, mais j'ai jamais réussi. Réussi. C'est le genre de truc que j'arrive pas, je sais pas, je dois pas être assez agile peut-être. Ah non, non, il y a plein de gens qui voilà. Arrivent pas. Tu sais que les meufs, elles adorent les DEP, hein. Ah bon? Ah oui, oui. Ah, c'est super, hein. Non, non, entrouvert seulement, voilà. Les meufs adorent, je suis sûr que tu vas avoir beaucoup d'appels. Tu es très mignon, le petit physique que tu possèdes. Alors je vais t'expliquer, je ne suis pas comme tous les prétentieux qui t'appellent toutes les semaines. Je ne vais pas dire que je suis mignon, parce que je sais pas du tout comment je suis. Tu es quelconque. Alors écoute, je vais te passer ma soeur pour qu'elle te dise ok. Ah, passe-la moi, tiens. Mais une soeur a toujours, comme une mère, des yeux indulgents, hein. Ouais, allô. Allô, ma petite reine. Ouais, alors avant que je te dise comment il est mon frère, je vais te demander de lui dire... qui me passe ses badges, parce que moi aussi j'en ai besoin, je voudrais me faire remarquer dehors. C'est 50 francs. Et il veut pas t'en donner un. Non, c'est un chien, il veut se les garder pour lui seul. Quel bâtard, il veut se faire ken sans arrêt. Et il veut changer tous les jours de badge pour en avoir un différent. Non, sinon il est canon, il fait 1m80, les yeux marrons, très clairs. Il est canon, il est canon. Ah. Non, non, vous pouvez se faire. Alors donc, les meufs vont appeler, et toi ma poupée, tu habites avec? Avec, ouais. Vous habitez ensemble. Et toi tu as quel âge? 19. 19. Tu as déjà eu des rapports sexuels? Ouais. Oh, c'est divin ça. Ouais, la jeunesse aujourd'hui. Et tu es sensible d'où? Ouais, voilà, de la chatte. C'est quoi qui ça? Carrément, le trou. Voilà, le tu trou. Es sensible d'où? Du trou. Le trou, docteur, le trou. Mais le trou. N'importe non, mais où. Partout, hein, j'aime bien aussi qu'on me touche, hein. Ah, Léa. Ah, oui, ça, Léa. Zaza, c'est la spécialiste des Non, mais moi, je suis normale, hein, je veux dire. Enfin, je suis normale. Bah, moi, je suis normale, je vais être enculée. Dis-moi, c'est comment ton prénom? Karine. Karine qui rit quand on la pine. Voilà. Ah, oh, c'est canon. C'est canon. Eh, dis-moi, Sarcelles, tu trouves des mecs pour toi? Non, non, non, moi j'en ai un. Il est un très seul. Il est canon. Ça y est, t'es maqué là. Hein. Ah ouais. Et il est gentil? Ah, il est super sympa, mais il n'y a pas que ça, hein, il fait bien l'amour. Il t'invite à boire des verres, il te paye les restaurants, tout ouais, ça? Ouais, tout. Ouais, tout. Il n'y a pas de blême pro. C'est pareil que moi, c'est toi qui paye, c'est tout. Bon, ouais, moi je vais vous repasser mon frère. D'accord. Hein. Salut ma petite Karine chérie. On t'embrasse très fort, allez, mon chat. Moi. T'embrasse sur la chatte. Mais c'est pareil. Ça vous va comme description, c'était... Bah écoute, ah bah, bien, c'est bien. Chérie, tu vas faire un carton, mon ange. Oui, bah j'espère, on sait jamais. Hein. Pour ton petit trou, une jeune fille qui va bien te lécher une belle petite feuille super. De rose. Ah, ça va être super. Tu vas tomber sur une démoniaque qui va vouloir faire une belle douche dorée sur ta belle pine. Quel kiff. Ouais. Alors, je peux passer quand même un petit message. Vas-y. Parce que vous savez qu'il y avait beaucoup de monde qui se branle là devant votre émission. Oh, bah ça, je m'en doute. J'ai beaucoup de copains à moi qui sont vos auditeurs et qui se branlent devant votre émission, vous savez. Mmh. En écoutant, il y en a. Marche au plus, il y a un qui a reconnu ma voix l'autre jour qui s'est mis à se branler derrière son stand. Dis, c'est vous, je dis non. Mais je connais votre voix, je dis non. Ah, d'ailleurs, je vais vous dire des petits noms, d'ailleurs. Comme bah, vas-y. Il y a un mec qui s'appelle Albert Bensadon, il vous écoute toutes les semaines. Bensadon. Ah ouais, Il n'est pas peuge. Un jeune catholique. Il vient à Jean-Coussou et puis il vous écoute. Il se rend comme ça dans la radio. Il va jamais à l'église, celui-là. C'est super. Bon, on t'embrasse, Ilan. Ouais, moi aussi, puis j'embrasse toujours Jacques Rousseau, parce que... Et si tu pètes, surtout, tu restes ouvert, on t'envoie de la visite. Sans problème. Okay. Bisous. Allez, au revoir. Oh, un appel divin. Deux appels excessivement sympathiques. Mais tu sais qu'il doit y avoir des milliers de badges là qui sont déjà partis. Je pense. Tant pis pour eux. Avec les et avec toutes les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas encore les badges, ça fait encore un beau remue-ménage. Ah, puis si tout le monde joue le jeu, remue-ménage. Ça fait beaucoup plus de monde en fait. Bah oui, c'est ça. Bah c'est pour ça, c'est ça la règle du jeu. Ouais. Et il faut toujours en garder deux parce que comme ça, si vous en perdez un. Oui, puis si on trouve quelqu'un d'autre, voilà. De mieux. Hein des fois. On peut interchanger comme ça, non? Ouais, voilà. Selon les situations. Une chaîne de solidarité des badges. Alors, pour contacter Ilan, 43 57 69 70, 43 57 69 70. Nous avons une auditrice en ligne. Quel bonheur. Allô? Allô? Allô, allô, allô, allô, allô, allô. Bonjour, salut. Allô? Oui? On t'écoute? On t'écoute, ma reine. Bonjour. Ça va bien, ma poupée? Ouais, ça va. Quel âge as-tu? 19 ans. 19 ans. Ouais. Quel est ton prénom? Mon prénom c'est Agnès, mais j'ai un petit pseudo, c'est Clitoun. Oh, Clitounette. Oh, ça c'est vive. Et Clitoun pour par référence à quoi? Je ne vois pas du tout. Clitoris. Ah, bah oui, parce qu'elle avait tout. Et, voilà. Et ce petit clitoris, c'est pour les hommes ou pour les femmes? Pour les hommes, principalement. Pour les hommes. Ouais. Oh, tu as une voix, on dirait une petite gamine, toute jeune. Ah non. Toute bah 19 ans, t'es jeune quand même. Toute minette. T'es quand même plus jeune que Gloria Lasso. Dis-moi. Ouais, mais... C'est Curie Casaraï. Ouais. Mais dis-moi, pour toutes les petites camarades de ton âge, est-ce que tu penses que la sexualité, bien la vivre, c'est quelque chose de sublime? Bah ouais. C'est vrai? Ouais. Est-ce que des fois, par exemple, tu es en manque? Est-ce que des fois, tu es chez toi, tu es en train de manger, tu dis, putain, là, je me ferais bien baiser. Oh là là. Ça te prend. Ouais, ça me prend. Bah, ça te prend d'un coup et ça veut pas te lâcher. Et que t'as pas un téléphone que tu peux appeler d'urgence comme le SAMU, tu vois, dire allô Michel, allô, je sais pas. Ah bah non, malheureusement. Non. Ah voilà, bah voilà, voilà. Moi, c'est ce que je l'avais dis souvent. Voilà. Parce que j'ai Et toi, problème. T'as des téléphones et t'as de l'argent. Et t'as de l'argent. Pourquoi c'est l'argent quoi intervient là-dedans? C'est quoi ton problème, ma petite poupée? Eh ben, surtout les mecs que je tombe, ils ont tous des petites bites bon pour aller à l'énergie, quoi. Ah, voilà. Et est-ce que tu as une référence pour dire qu'ils ont des petites bites? Bah ouais, je sais pas. T'en as vu des grosses? T'en as vu au moins une grosse un jour? Bah non, pas encore. Alors comment tu peux dire qu'ils sont petites? Bah je sais pas, moi elles me paraissent petites. Attendez, je laisse tout de suite le numéro de téléphone de la station, 43 57 69 70. 43 57 69 70, il y a des personnes qui sont allées au cire d'hiver, qu'elles nous appellent. Oui, vas-y ma titounette. Tu en as vu des ou t'as vu des photos quand même de... Ouais. Ah, tu juges en des fait vidéos en, porno, en, des en comme référence, ça. Ouais. Ouais, ben voilà, je juge en référence. Ouais, mais sur les photos, sur les vidéos, on choisit souvent des gens qui ont des très grosses bites quand même, parce que ben c'est ouais. Plus excitant. Donc, mais est-ce que tu as ressenti quelque chose? Est-ce que ou est-ce que ça flottait un peu? Ben ça flottait un peu, quoi. C'est... ça flottait beaucoup. Tu mets quoi comme taille de tampon? Des petits. Ouais, des mini. Ah ouais. Ah. Des mini. Ah, c'est bah tout oui. Petit. Et ça gonfle bien à l'intérieur. Ouais. Combien de temps tu gardes un tampon? Je sais pas, 3 heures. 3 heures et après tu changes. Ouais. Tu sais qu'il y en a qui le gardent toute une journée, hein. Quelle horreur. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça fait un peu beaucoup, hein. Ah ben bah, moi je te le dis, hein. Et ce que je dis n'est pas faux. Il y en a qui le gardent toute une journée, ça fait presque une... C'est dur à retirer. Si c'est vrai, ça fait comme une croûte. Ah. Non, c'est vrai. Arrête. Et tu, toi, tu mets des quoi, Pascal? Je mets des super plus. Non, non, des elle met des serpillères. Elle. Des normes. Non, non, normaux. Elle met un pain de campagne, une grosse boule de mie. Qui gonfle à l'intérieur. Voilà, et après, tu fais du boudin. C'est cela. Oui, alors, donc, toi, tu aimerais des grosses bites. Ouais. Parce que les petites bites te font aucun effet dans le chat? Non. Pas grand-chose. Rien du tout. Pas grand chose, enfin pas rien du tout, mais pas grand chose. Et le chat est volumineux? Mais non, il... Non, mais après, c'est pas parce qu'elle met des mini qu'elle peut pas recevoir des bons coups de boulot. C'est quand même pas non plus le... T'as déjà... ouais. La salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare. C'est... Hein. Non, mais c'est possible que tu sois large toi aussi, donc que t'as l'impression qu'elles sont petites parce que c'est toi qui es large. Bah ouais. Tu as déjà essayé de te rentrer 1, 2, 3, 4 doigts, la main, les deux mains, tu fais bravo. Non, mais t'as déjà non, essayé. Non, pas quand même la main. Non, ça mais rentre comment doigts, ça rentre jusqu'où? Je sais pas. 3 doigts, disons. Ouais. 3 doigts, ça rentre bien. Ouais. Facilement. Ouais. Ah ouais, c'est toi qui es assez large quand même, hein, je pense. C'est pour ça, donc il te faut des calibres. Tes camarades sont des Français d'origine? Ben, enfin, je suis nouvelle dans un bahut et c'est grâce à eux, quoi. J'ai connu cette radio, alors je leur dis merci. Faudrait peut-être prendre des beurres. Oui, oui, non, c'est vrai. Des blacks. Mmh. Ou des grosses bites, il y a des grosses bites blanches. Partout, ah oui, il y en a partout, oui, des oui, grosses oui, bites. Oui, ouais, il faudrait en fait un calibre hors exception. J'en suis un exemple vivant. Il faudrait des... Ouais, mais il faudrait des... Ta mère, elle ne savait pas très bien qui était ton père. Hein. Il faudrait des mais t'es 20, pas normand, 20, ton père, hein, quand même. 20, breton, 20, hein. 20, 21, 22, il te faudrait. Ouais, un bon 21. Ah, au jugé, là, je te dirais, un, oui, un 21, ce serait bien. Et est-ce que tu as déjà pris une bonne bite? Ben non. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais. Quel grand malheur. Ouais. Et ça fait longtemps que tu as des rapports sexuels? 20 ans. Elle a 19 ans, chérie. Oui, ça fait 20 ans. Ben, ça fait longtemps. Depuis l'âge de 15 ans. Ouais. La première fois, ça t'a dégoûté ou ça t'a plu? Ben, ça ne s'est pas trop mal passé, quoi, mais après, c'était bien. Et tu aimes sucer? Ouais. Est-ce que tu peux dire que tu es une suceuse, une bonne suceuse? Est-ce que tu fais plaisir à l'homme quand tu le gaufres bien? Ben, je pense. Ouais. Ouais. Et il y a des mecs, des fois, qui arrivent même pas à se retenir quand tu les suces. Ils envoient la purée direct, ils envoient les reins, le chouette, le choucard. Non, pas tous. Non. Non. Et toi, tu es sensible au bord ou au fond? Au fond. Au fond. Dedans. Ah, c'est pour ça il faut long aussi. Ah, il faut oui. Il faut un bon perchoir à dinde. Bien long, bien gras, tout. Toutes les dimensions hors de proportion. Oui. Ben écoute, ça peut se trouver, ça, il n'y a pas de problème. Il y en a qui écoutent. Ouais, puis je voulais aussi lancer un SOS aux nanas parce que j'ai un copain qui est puceau encore. Il cherche des nanas et c'est un fidèle de l'émission. Il est beau? Ouais, il est pas mal, ouais. Oh bah ça. Peut-être et faire quelque chose pour lui. Et il est puceau, le pauvre malheureux. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il cherche. Et tu cherches pas... désespérément. Et tu veux pas le dépuceler, toi? Une fille un peu initiatrice, quand même. Une fille qui prenne un peu les devants. Ben, si on peut dire. Et toi, tu veux pas le dépuceler? Ben, je lui ai proposé, mais il préfère attendre. Alors, il préfère d'abord trouver une autre nana pour pas me décevoir. Il te connaît trop, peut-être aussi. Ouais. Alors donc, des grosses bites, hein. Pour Colitoun, qui a 19 ans, qui n'a pas encore rencontré... Est-ce que tu peux me faire un petit cri de jouissance? Là, maintenant? Ouais. Ah, maintenant, enfin... Ah si, pour nous faire plaisir. Pour ma bonne bouche. Mais je sais pas, faut que je sois en... Non, fais-le. Vas-y, fais-le pour me faire plaisir, mon ange, ma petite clitounette. Ah ouais, je sais pas. Je sais pas. Oh, tu vas voir quand tu vas en avoir une grosse entre les muscles, comment tu vas crier. Bah là, une bien grosse. Ouais. Bon, alors Clitoun. Dans la touche. On te laisse, ma reine. Ouais, puis je voudrais dire bonjour à tous ceux qui sont fidèles quoi, de mon bahut. Tu habites où? Dans quel coin? Dans 93. Quelle ville? Saint-Denis. Saint-Denis Basilique. Ouais, par là quoi. Voilà, ouais, bah, c'est parfait. Bon, on t'embrasse bien fort, ma petite reine. Ok, moi aussi. Bisous. Et puis, bon... Voilà, bah c'est Clitoun qui veut des grosses bites. C'est simple, hein. C'est une revendication, Oui. 43 57 69 70. 43 57 69 70. Il y a beaucoup d'appels des gens. Et ça fait 4 semaines que je dois expliquer comment on se fait éponger en voiture. Ah oui, puisque la dernière fois... Ça fait 4 fois que je leur promets, je leur ai pas... Je l'aurais pas fait. Alors on prend un appel et après tu me fais penser à, absolument, oui. Parce que c'est très très important, c'est bientôt les vacances. Il va y avoir beaucoup de week-ends au mois de mai. Et beaucoup d'embouteillages. Il faut absolument que je vous explique de quelle façon vous faire éponger en voiture. Beaucoup de gaufrage en voiture, donc, évidemment. Bah, quand on est désœuvré. Voilà. Dans un embouteillage. Oh, bah, qu'est-ce que tu veux ? Alors. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Quel est ton prénom ? Christophe. Christophe, et tu as quel âge ? 18 ans. Mm-hmm. 18 ans. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Pardon ? Que se passe-t-il ? Ben, que se passe-t-il ? Je vous téléphone pour vous raconter un peu mon fantasme. Voilà. Ouais. Alors, ce qui consiste en... Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis totalement hétéro. Oui. Ouais. Et je tenais tout d'abord aussi à vous féliciter pour votre sublime émission. Merci. Mille grâces, Seigneur, mille grâces. Parce que c'est franchement mille super. Mille grâces. Et les 2 heures de jouissance hebdomadaire. Refais-moi le encore une fois. Encore une fois ? Refais-moi le. Ah oh bah non, hein. Une fois ça suffit. Non, ça bon. Suffit, ça suffit. Non, Christophe. Après, il pourrait s'habituer. Ouais, ouais. Hein. Non, après, David, il va nous faire chier, là, la tête déjà comme un... un compteur butagaz. Alors, ouais. Qu'est-ce qui t'excite ? Alors, ce qui m'excite, voilà, c'est faire l'amour, mais avec des corps étrangers en plus. C'est-à-dire, bon, tout ce des qui Espagnols, est... des Italiennes. Non, non, des corps étrangers, je parle autre que la que femme. Que des corps humains. Voilà. Ah. À savoir, donc, des fruits. Des légumes. Tout ce qui peut être condiment, quoi. Légumes. Ouais, pas des cornichons, parce que ça pique. Oui, un petit peu, oui, ça. Ouais, un petit peu aussi, ouais. Pas des produits au vinaigre. C'est un peu irritant. Non, mais le citron, pourquoi pas. Oui, oh. C'est pour le trou du cul. Piquer, oui, hein. C'est bien pour refermer un trou du cul, le citron. Mais ouais, pour l'ouvrir, non, c'est un peu acide. Il faut mieux ouais, des choses plus sucrées. Justement, je connais des filles qui aiment ça. Tomate, c'est très bien. Très bien. Nutella. Non. Ah, le Nutella, c'est génial. Parce que banane. La banane, ouais, pourquoi pas. T'as déjà essayé de mettre une banane dans le chat d'une meuf et tu la kennes après. Ouais, enfin, tu sais, tu écrases un peu la banane dans le chat et tout. Pour le sortir après, bon, non, ouais, non, mais tu le pètes, tu la pètes. Oui, t'as déjà vu une fille qui met une banane et puis qui ça ressort en rondelles ? Non, pas encore, non. Parce que après, ça fait une guillotine. Tu fais une salade de fruits ? Bah oui, joli, joli. Alors donc, toi, c'est la bouffe. Mais alors, ça se passe de quelle façon ? Tu peux nous expliquer ? Ouais, bien sûr. Alors, ça consiste, bon, que je ramène la fille chez moi. Oui. Bon, et puis, bon, on se déshabille, c'est normal, quoi. Oui. Bon, et puis après, je vais faire un petit tour au frigidaire. Oui. Ouais, et puis je ramène tout ce qui est nécessaire, quoi. Ouais. Mmh. Ouais, alors, bon, tout ce que je trouve, ça peut même aller jusqu'à la confiture et tout. Yaourt ? Non, ouais, enfin, bon, c'est un peu fade. Mmh. Puis un peu trop liquide, hein. Faut des choses qui soient une matière un peu consistante, quand même. Est-ce que tu aimes qu'on te mette quelque chose, par exemple, sur la bite, sur le cul et tout, et que la meuf, elle lèche ? Ah ouais, c'est bien, ça. Ah ouais, pas mal. Alors, qu'est-ce que t'as déjà fait jusqu'à présent, toi ? Ouais, moi, j'ai fait un peu tout, confiture, etc., quoi, tout ce qui est... Nutella, ouais, j'ai aussi essayé, mais enfin, bon, c'est pas terrible. C'est trop... ça accroche trop. Ouais, puis ça colle et tout, c'est dégueulasse. Ça colle. Ah. Ouais, non, mais sinon, il y a un truc qui est extra à faire, et je suis totalement prêt à initier n'importe quelle demoiselle. Ah. C'est, par exemple, toi, tu prends de l'huile, oui. De l'huile de cuisine, arachide. Arachide. De préférence. Ouais, toi, et puis tu lui enduis le corps. Ouais. Et alors, je te dis pas, le contact que ça fait sur la poitrine et tout, c'est absolument divin. Après, t'en fous partout et tout, t'as l'impression de tenir une savonnette. Oh, mais il y a un truc qui est divin, tu sais, c'est en plus avec du monoeil. Ah ouais ? Ouais, ça sent bon en plus, c'est super. Ah, j'ai pas essayé ça, ouais. C'est bien. Tu fous du monoeil sur ton corps, sur le corps de la meuf et tout, et avant de bien la canne, tu te frottes et tout, tu fais un bon travail et tout. Et tu mets un truc dessous pour pas trop tâcher les draps. Ça fait un vieux plan sumo que... un peu, je trouve. Ouais, ça, c'est non bien. Non, c'est bien, c'est super. Non. Ouais, mais bon. L'impression de te taper une savonnette, c'est agréable. Ouais, mais c'est un peu dur quand même, hein, parce qu'après, si tu en mets bien vraiment partout, pour arriver à faire l'amour, c'est horrible. Ça glisse trop, alors tu sors, alors c'est tu veux rentrer. C'est les Jeux Olympiques d'hiver. Hein. C'est très, très énervant. Bah, tu mets du gros sel si c'est ça glisse trop. Enfin, le must des must. Ah. Ah ouais, quand même. C'est le glaçon. Pour te faire sucer, toi. Hein ? Pour te faire sucer. Non. Est-ce que tu t'es déjà fait sucer avec une meuf qui avait un glaçon dans la bouche ? Ah non, ça j'ai pas encore fait. Tiens. bien la prochaine fois, tu demandes à une meuf de mettre un glaçon dans sa bouche. Ouais. Qu'elle le travaille bien, tu vois, que sa bouche soit gelée. Ouais. Qu'elle retire le glaçon et qu'elle te suce immédiatement. Mmh. Au lieu de tomber sur une bouche chaude, mmh. tu tombes sur une bouche froide, une bouche de morte. Ah. Mais ça oui, mais des bandes. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Elle te prend la bite et tu vas sentir la bouche commencer à chauffer. Et en une minute, la bouche redevient à la température normale. Ouais. Mais tu sens la chaleur sur la bite chauffée. Non. T'as l'impression que tu as branché un radiateur. Mais, ça doit être divin. Ça. Mais tu Huguette Bouchardot. Mais tu débandes pas. Huguette Bouchardot qui vit. Oui. Celle qui était ministre de l'Environnement. Ouais. C'est ça. Parce qu'elle aimait la nature. C'est cela. Ce qui prouve qu'elle était pas rancunière. Voilà. Ah bon, ok. Alors ça, il faut absolument que tu essayes. Ouais, et non. Tous ceux qui nous écoutent aussi. Et t'as essayé le glaçon comment, toi? Moi? Oui. Ouais, alors moi c'est une autre technique, mais enfin je la conseille à tout le monde parce que c'est franchement super. Bon, ça consiste à faut trouver une fille qui est absolument confiance en toi. Mm-hmm. Bon, et tu lui bandes les yeux déjà. Oui. C'est ouais. qu'elle se retrouve dans une atmosphère. C'est le blind test. Ouais. Ensuite. Blind test. Ouais. Et après, tu prends le glaçon du bout des doigts mm-hmm. et tu lui passes sur tous les points sensibles du corps. Oui. Alors, tu prends Stevie Wonder ou Gilbert Montagnier, hein, c'est pareil. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment mon truc. Ouais. Non. Bon, vite, tu le passes sur tous les points sensibles du corps et ça assure une jouissance pas possible. Ah, tu termines sur le bon programme. Tu termines sur la minge. Oui. Super. Un petit lichave de minge. Ouais, par exemple. Tu sais, il y a aussi un bon plan aussi avec le glaçon, mais disons, c'est pas le glaçon, c'est la petite le coude de la petite cuillère. Ouais. Tu mets une petite cuillère au fraiseur, tu la fais bien. Attends, excuse-moi. Bien refroidir. Toujours élégant, David. Tu prends, prends la cuillère bien froide et tu la colles sur le chat. Ah ouais, ça doit faire à peu près le même effet. Oui, c'est le même principe. Ah si, si. Non, parce que la cuillère se réchauffe aussi. Ouais, ouais. Tu comprends? Parce qu'un glaçon, il ne peut pas se réchauffer. C'est du chaud, du froid, en fait. Ça te plairait pas, Pascal, ça? J'ai essayé, ça fait mal. Mais non, ça veut dire, tu l'as mis à moins 18, il faut la mettre à moins 5, la cuillère. Ah d'accord. Tu l'as mis carrément dans la soupe caustique. Ça a collé, tellement c'était froid. Et tu l'as mis dans le congélateur. Il y a mon clito qui s'est enlevé avec. Moi, je suis écœuré de tout ça. Depuis, ça te dégoûte, Zaza. À partir de mardi, on fait une émission littéraire. Littéraire. Le Procop, les cafés littéraires. Voilà, voilà. Des petites discussions. C'est dégoûtant quand même, parce que franchement, non. On va faire. Mais c'est tellement bon. Ex-Lipine. Ouais, ça délire toujours autant, je vois. On n'arrive pas. Mais non, pourquoi? Mais attends, mais où on va chercher tout ça? Mais d'où ça sort? De la méchanceté. C'est du fiel, mais... Mais en fait, je vais te l'expliquer, David. C'est tout ce que tu n'as pas pu faire. Toutes les gonzesses que tu n'as pas pu... qui t'ont dit non. Parce que tu es... Bon, nous, on te trouve sympathique, on t'aime bien, mais en fait, tu n'es quand même pas très, très, très, très, très jolie. Alors, t'as eu des refus, t'as eu des vestes. Oui, mais moi... C'est pourquoi tu peux parler. Au moins, je me suis toujours fait payer pour la tchatch. Ah, bah, et toi, il a toujours tu fasses payer pour Nakash. Non, mais pour... Il a toujours tu payes pour Nakash. Et moi, on m'a toujours payé pour la tchatch. Tu comprends eh ben pourquoi risque, ben voilà, c'est voilà, pour ça qu'on est ensemble, mon ange. Et quant à Pascal... Mais t'as toujours quand même voulu les bons coups de rouleau que je t'ai envoyés, hein. Hein? Parce que tu insistais, ben oui. Parce que tu me faisais pitié. C'était pour me faire plaisir. Voilà, par charité. Et quand t'avais mes deux noix sur ton blase. Et quand je te disais je t'en supplie, je t'en supplie. Reste là. Quand t'es au bout, c'est ma dernière occasion dure, je me suicide. Si tu m'en mets pas un coup, je me suicide. Tu sais ce qu'elle m'a fait faire? Ah non. On est allé à la foire du trône l'autre jour. Ouais. Elle a dit on va monter à 3 dans un train fantôme. Mmh. Écoute bien le plan. Ouais, vas-y. Un de chaque côté, moi de chaque côté, et on avait une copine au milieu. La Zaza a sauté à l'intérieur du train fantôme, où c'était tout noir, moi de l'autre côté, et il a fallu que je lui en mette un coup là-dedans. Devant la statue de... je sais pas qui, de la Joe Dassin, qu'ils avaient du foot dans un bocal, et tout, qui n'arrêtait pas de s'allumer, et tout, oh là là, c'était épouvantable. Et il a fallu que j'y en mette un coup là-dedans. Dans la gueule, hein, parce que sinon, fallait viser, hein. Enfin, si j'étais toi, je reparlerais pas trop de Foire du Trône. Bon, qu'est-ce qu'il y avait? 2 jours après, il y a eu l'accident. Non, c'était quoi? Ah oui, j'ai remis. Bah, après, je lui ai bouffé son fion, j'étais obligé de dégueuler, j'ai appelé Ursule. Ah bah oui. Ursule! On aurait dit une poubelle. Oh là là là. C'est toujours là. Oui. Ah oui, mais enfin, écoute. Bon. Tu t'es pas plein, hein. Bon, on va arrêter de raconter notre vie. Ouais, oui, c'est la vie des auditeurs, quand même. Mais en fin de compte, tu es une belle enculée. Ah ouais, ouais. Mais j'aime pas me faire enculer. Non, mais elle. Non, non, non, il parlait à moi. La Zaza. Pas toi, Christophe, mon Dieu. Ah non, non, non, pas du tout. Non. Est-ce que... Un doigt, t'as essayé. Un doigt. Ah ouais. Oui. Ça c'est bon. T'es un enculé, ça y est, c'est fait. Trop tard. C'est bon ou pas? Ah ouais, c'est pas mal. Parce qu'enculé, c'est un mot, mais en fin de compte, il y a ton doigt non, est rentré. C'est un acte. Non, parce qu'il faut le dire. C'est pas un non, mot. Non, mais attends, c'est un mot. Non, mais un doigt ou une bite, c'est... C'est une pénétration. Ah bah ça... Mais, ça ah oui. Et c'est la meuf qui t'a mis un doigt ou c'est toi? Ah non, ouais, c'est la meuf. C'est la meuf. Il faut le dire aux filles, parce que les filles n'osent pas. J'en discutais cet après-midi. Ah. Il faut, mesdemoiselles, oser, ils vont pas vous mettre une claque, au contraire, les mecs, ils adorent ça, quand on leur met un petit doigt. On m'a dit. Moi, c'est vrai, hein? Moi, je te le dis. Et les filles osent pas, elles se disent, le type, il va croire que je pense qu'il oui, est pédé, tout ça, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir, tout le monde est sensible, c'est une zone érogène comme une autre, donc les filles, osez. Et vous verrez, ce sera le bonheur de votre partenaire. Ouais, mais il ne faut pas qu'elles aient les ongles trop longs. Ah non, non, non. Mais évidemment. Ah, faut pas que ça soit là. Les bagues. L'autre qui court là, la griffite. Ouais. Ah, Griffith Joyner, ouais. Là, tu fous un doigt dans le cul et te décroches les intestins. Et t'en fais sortir 10 cm. Ouais, pas de bague. Pas bah, tu peux te faire un plat de tripes. Ramène-la. Oh là là, arrête, tu me fais mal avec ta bague. C'est pas ma bague, c'est ma montre. Bon. Elle rigole dans le fond, elles sont folles, elles sont hystériques. Mais comment, mais pourquoi il faut qu'on continue comme ça? C'est abominable, Christophe. Mais toutes ces horreurs qu'on peut sortir, mais crois-tu qu'on va se retrouver au paradis? Mais surtout toi, hein, parle pour toi, nous on dit des choses gentilles, c'est toi. De toute façon, une chose est sûre, si là où ils ont la radio, ils sont obligatoirement bloqués sur LDF. Ah oui, non mais je pense qu'ils vont mettre trésorière ou faire des badges là-haut en fer, ouais, ça doit être ça, ou des ouais. trucs. En ah, fait, les badges, j'ai envoyé hier, j'espère que ça va arriver vite. Hein. Ah ben bah après-demain, tu vas les recevoir. Ah super. Et tu crois que ça va... Tu en as vu déjà avec des badges? Non, j'en ai pas encore vu. Pas encore vu? T'habites où? Bah moi j'habite près de Champigny-sur-Marne. Eh bah dis donc, vous êtes bien banlieusard en ce moment. Ah ouais. Hein ouais, Champigny, c'est bien, ça va, c'est quand même assez résidentiel. Ouais, c'est bien. Ouais, moi, j'habite à Chennevières à côté. Bon. Ah, Chennevières. Il y a de la bonne raclée à Bouillard? Ouais, c'est pas mal. Ça va? Ah ouais, ouais. Il y a des bonnes affaires? Ouais, ça va. Il y a des bonnes têtes d'affaires qui gonflent bien toutes les teufs qui traînent? Ouais, enfin, pas. Vous avez déjà fait des plans cave avec vos camarades? Comment? Vous êtes déjà fait des plans cave et tout ça, ou garage avec une pouffe que vous avez ramassée, que vous avez canapé? Non, pas trop. Non. Non, non. Bon. Mais en tout cas, je tiens à donner un petit bonjour à tous les potes du lycée Champlain. Ok. Ouais, et à tous les enculés de la première S2. Eh ben voilà. Voilà. Il y en a beaucoup, hein. Oh là là, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme enculé, tu te rends compte? Bon, on va te laisser. Ouais, Et on a la Thierry Paulin en ligne qui veut nous dire... Oui, l'au-delà. elle nous écoute déjà. Elle nous trouve trop jeune. Tu te rappelles quand tu la connaissais, toi, la Paulin? Enfin, oui, et tu voulais plus sortir de chez toi quand tu as toutes les petites vieilles du 18e. Enfin, non mais à l'époque j'avais dit une chose, j'avais dit moi, Lynn Renault et Dalida peuvent plus sortir de chez elles. Oui oui, elles avaient peur. Bon bah il y en avait d'autres, la Gloria Lasso aussi. Hein. Oui. Vous pouvez plus mettre un pas de. La Gloria Lasso elle aurait encore piqué la Paulin. Oui oui, elle aurait gonflé. Oui, elle aurait encore engourdi elle. Bon. C'est comme engourdisseuse, dis-donc, celle-là. 43 57 69 70, 43 57 69 70, c'est le numéro de téléphone du bonheur, le numéro de téléphone à composer si vous désirez passer à l'antenne, intervenir, critiquer, féliciter, ou tout simplement passer votre message, raconter votre anecdote ou votre fantasme sexuel. Si vous avez des problèmes, eh bien, nos problèmes, nous avons la solution. Il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi les solutions. Et puis... Ce que tu dis n'est pas faux. Dis donc votre disque, on le voit partout, hein, maintenant. Ah bah ça y est, oui. Après toutes les demandes qu'il y a eu, on l'a fait mettre en place partout. Alors si vous voulez le trouver, où tu l'as vu à la FNAC? À la FNAC, à... Virgin, j'ai vu, ouais. Mais Gage Chandor... À Chandis, quoi. Et les gens se le battaient. Ah chérie, deux femmes en rute. En rute. Se crêpent le chignon, car il n'en restait que quatre, et elles en voulaient huit. Ah, ouais, voilà. Ouais, moi j'ai vu une émeute, ouais, voilà. Après, on m'a dit que ce sont deux femmes mazodes. Des femmes se sont battues. Et après, j'ai suivi des deux sourdes muettes. Ah bon? C'est ça qu'elles voulaient, ton disque. Et ça coupe. Oui, oui, oui, non, mais... Parce que là, elles entendaient... Ça peut être un petit peu... un peu de musique peut-être, non? Non, pas de musique. Ah bon, pas de musique. Moi je pense à l'épicer, j'ai des ravis, pas de musique. Voilà. Hein. Bah tu peux aller pisser parce qu'il faut que je leur raconte comment c'est regaufré en voiture. Ah voilà, ah, bah, bonne idée. Voilà. Oui, alors voilà. Vous savez que ça va bientôt être les vacances. Bon, vous n'avez peut-être pas l'occasion aussi tous de prendre votre voiture dans la semaine. Donc, pour les vacances et tout ça, vous n'êtes jamais avec votre femme ou avec votre petite copine et tout. Donc, des fois, vous ramassez une bonne affaire qui fait du stop dans la rue ou une copine que vous raccompagnez et tout. Et si la meuf commence à vous sucer, c'est épouvantable parce que vous avez des embouteillages partout. Alors... ça avance, ça recule, ça avance, ça recule. Alors il faut toujours bien reculer le sage, mais la fille, à chaque fois qu'elle vous suce, que ça avance, que ça recule, elle se tape la tête contre le volant. Et il faut pas qu'elle remonte, parce que vous, les gens qui sont à côté, ils vont voir la bite, ils vont voir l'autre qui est complètement chiffonné, comme un vieux torchon, les cheveux en pétard et tout, la gueule toute trempée. La gueule comme passée dans une essoreuse. Voilà. Et alors, il faut bien faire attention. Dimanche matin, on aurait dit que ta gueule était passée dans une essoreuse. C'était pas fraîche. On aurait dit une serpillière. Le mot est faible. Oui, bah Pascal, je peux te dire que c'était... Zaza, merci. Ah, alors moi, chérie, un metteur en scène m'a dit, vous êtes divine. On aurait dit on ta mère. On fait un remake d'E.T., on vous engage tout de suite. Alors... le producteur d'Alien m'a contacté. Aussi. Donc le problème, pour les pipes, il faut absolument faire très attention et sucer le mec... qui conduit très bien sa voiture. Parce que le problème d'avancer, reculer et tout, ça vous donne le mal de mer. Parce que vous prenez la bite, vous montez, vous descendez et tout. Le mec, des fois, vous met des grands coups dans la tête en se levant le cul pour bien aller au fond de la gorge. Et après, il y a des mal de mer. Et en avançant, en reculant comme ça, des fois, vous pouvez trop lui enfoncer la bite dans le fond de la gorge. Et la pauvre malheureuse, si elle vient de bouffer, elle renvoie tout. Et elle renvoie toute la Macédoine. Comme une copine à nous. Elle te dégueule tout dans le falzar. Triples et boyaux. Voilà. Mais au départ, c'est pas trop désagréable parce que c'est chaud. Alors à la limite, c'est chaud, ça peut te faire envoyer la purée. Ah non. Mais le problème. Non, Pascal est dit. Mais le problème, c'est que la meuf, quand elle dégueule, elle dégueule. Ah, et il faut qu'elle envoie tout ce qu'elle a bouffé, le double cheese et tout. Arrêtez. Le double cheese. Le menu de la semaine. Le milkshake, et elle t'envoie tout dans le slip. Stop, arrête. La tub est recouverte. Et le mec, normalement, envoie la purée. Parce qu'avec la chaleur que ça. Et alors. J'ai un mec qui fume beaucoup, j'ai regardé son slip, alors... le trou du cul tout marron. Il m'a dit c'est la nicotine. Il fume avec le cul. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu veux, chérie? Non, mais je crois. Non, mais il y en a qui sont pourris de l'intérieur, ils ont un tout à l'égout, et quand ils fument, la fumée sort par le trou. C'est une cheminée après. Il est connu que les petites rivières font les grands égouts. Oui, et Pierre qui roule, tous les chats sont gris. Et qui a bu, boira. Et qui vole un œuf, vole mon fion. Non. Et alors, donc, la meuf a dégueulé dans, dans votre... qui vivra verra sauf les aveugles. Oh, c'est épouvantable. Stevie Wonder en concert à Bercy. Oui. Et... et alors, donc, la fille a bien envoyé Ursule dans tout le ben, et vous, vous nettoyez et tout. Mais traduit pour les Ursule, pris Ursule dans le ben. Alors, Ursule. Alors, et donc, vous oubliez de... Mais le problème, c'est quand vous rentrez chez vous, parce que votre femme, elle vous délogue, vous avez complètement oublié le dégueulis. Alors, un dégueulis, ça s'appelle une peau de renard. Quand vous voyez un dégueulis, c'est un peu comme une peau de renard par terre. C'est des fois, vous voyez, avec tous les morceaux et tout, ça s'appelle une peau de renard. Voilà. Je pourrais plus regarder mon idole des filles rire. Et quand vous rentrez chez vous, eh bien c'est l'engueulade. Parce que votre femme va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors tu dis, bah je me suis dégueulé dessus. Allez expliquer comment vous vous êtes dégueulé dans votre slip. Bah je suis, en tirant comme ça. Comment vous vous êtes dégueulé dans votre slip? Et tu crois que la femme elle va pas comprendre quand le mec il est rentré 2 heures en retard dans les embouteillages et tout? La femme va bien comprendre qu'il s'est fait éponger et tout, qu'il y en a une dégueulasse qui a sucé sa bite. Dégueularde surtout. Tout dégueulé dans le slip. Alors, surtout faites bien attention. Baissez bien votre slip. Baissez bien tout jusqu'au genou. Et surtout que c'est mieux quand on a une automatique parce qu'on a moins besoin d'écarter les jambes. Surtout baissez bien le slip et tout, comme ça s'il y a des gueules, vous avez moyen de, encore de ne pas en mettre dans le slip et dans le pantalon. Et ça, il faut bien faire attention. Et surtout évitez de vous faire sucer dans les embouteillages. Surtout sur la route où il n'y a pas de freinage, d'accélération et tout. C'est dangereux, hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu Le Monde selon Garde, mais ça finit très mal. Il y a un accident de voiture et un bout coupé. Si, une fille en train de sucer un mec et il y a eu un accident de voiture et le type en a perdu un tiers à peu près. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer de quelle façon commander les badges pour les personnes qui veulent le bonheur, qui veulent la communication, qui veulent rencontrer des copains ou des copines, qui veulent rencontrer la sexualité, qui veulent faire de bons coups. Eh bien, ces badges, c'est 50 francs pour les trois. C'est trois badges différents. Vous les recevez par courrier et pour les commander, il faut faire un chèque ou envoyer 50 francs en espèces à Lune de Fiel, David et Zaza, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Lune de Fiel, David et Zaza, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Vous mettez l'ordre sur le chèque en mettant David Girard. Pour les billets, c'est pas la peine de mettre d'ordre. Vous les mettez dans l'enveloppe. Et surtout, n'oubliez pas, bande d'enculés, de mettre votre nom et adresse. Parce qu'il y a quand même des endives qui envoient encore l'oseille, qui envoient tout. Et envoyez-moi les badges comme si qu'on devinait leur adresse. Voilà, mais bon, il y en a encore qui sont un peu aboutis. Si deux culs dans une phrase, c'est beaucoup, même pour moi. Hein. Et alors, donc, pour ces trois badges, il faut respecter les règles. La première, c'est en donner un à une fille, ou dans le cas échéant, à un garçon. Mais d'abord à une fille, il faut trouver une fille et en donner un à une fille. Et la deuxième, c'est de respecter quand même les petits clins d'œil que les gens vont vous faire, leur répondre, leur faire un petit signe, bonjour, bonsoir, au revoir, merci, je t'ai vu, tu m'as alors, vu, je t'aime, tu m'aimes, comme nous ça, aimons, bonjour du jambon. C'est bon. Ah non, il faut qu'ils aient le badge à chacun. Non. Même ceux qui n'ont pas les badges peuvent voir ceux qui ont les badges. Mais c'est ceux qui ont les badges qui se font remarquer d'abord. J'ai une copine qui a un tic comme ça. Elle tique des yeux et tout, et elle croit à chaque fois. Oui, oh ben elle est bonne quand même, de toute façon. Pas la Lune de Fiel, qui bat voilà. Moins. Mais tu en as vu quand même, toi, avec des badges, là, c'était le bonheur. De la folie. À la Sorbonne. Oui, il y avait aussi. Oui. À la Sorbonne. Oui. Quelle bonne la Sorbonne. Oui. Alors, pour les badges, je vous rappelle, Lune de Fiel, David et Zaza. 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris, avec un chèque de 50 francs à l'ordre de David Girard ou un billet de 50 francs si vous êtes interdit de chéquier ou si vous n'avez plus d'argent ou si vous n'êtes pas...